CFU.ca 89.1 Trois-Rivières. Vous êtes à CFU? À Trois-Rivières, c'est le 89.1. Le plan d'aujourd'hui, assemblage requis. Alex Marchand de la GIQTR viendra nous mettre au fait des activités de l'Association Générale des étudiants. Et on recevra deux invités bien spéciaux pour discuter de musique avec eux. Assemblage requis commence tout de suite. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis en ce jeudi 3 novembre 2016, à 175 jours de la fin de l'année scolaire 2016-2017. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. On dirait des studios de 6x3 Rivières. Quelle belle émission qu'on a de prévu aujourd'hui pour vous, un gros programme. Oui, vraiment. Très plaisant. On va avoir plein d'invités spéciaux. Donc, plus tard dans l'émission, on va recevoir Lydia Kipinski vers les 8h30 pour parler du spectacle qui a lieu ce soir avec Groenland. Donc, ça va se passer au Satyre ce soir. Oui, et tant qu'à avoir Lydia Kipinski, on se rappelle que David Ferron avait reçu Groenland récemment. Donc, on va avoir David Ferron avec nous aujourd'hui. C'est le lien. Quelle bonne idée. Qu'on a à faire, qui va nous présenter sûrement de la petite musique une fois de temps en temps, des demandes spéciales comme il le fait toujours. Donc, David Ferron plus tard dans l'émission, qui va nous accompagner aussi pour une grosse pointe en dresse. Oui. La chronique d'alimentation, de fast-food, de malbouffe. Mm-hmm. Donc, tout a un lien avec le reste. La GQTR va être aussi présente. Alex Marchand va être là pour parler des activités du passé, du présent et du futur pour la GQTR. En gros, c'est pas mal ça qu'on a prévu pour aujourd'hui. En plus de ta chronique à toi, Tania Sugarante, Tania. Oui. Qu'est-ce qui s'en vient? Bien, évidemment, on est jeudi. Ce qui veut dire qu'on fait le tour de l'actualité. Hey! Eh ben ouais. Cool. On va faire ça dans quelques instants. Voilà. Donc, Tania, AGE, Lydia. On va aussi avoir un petit segment sur les soirées cachées. C'est fou. Parce que ça recommence. Absolument. Ce soir aussi. Oui. Une grosse soirée de décisions et de choix à faire. Tout à fait. Une grosse pointe de raison. Cinq à faire aujourd'hui. En passant, c'est vrai, j'oublie de le faire parce que c'est pas tous les chroniqueurs qui nous disent à l'avance qu'on leur a demandé récemment. Mais dans la chronique de l'AGE, on va parler du CA de l'AGE, du décès de François Fugère, très apprécié par plusieurs étudiants. Le Movember de la Coupe des Assauts et de la recette préférée de la Coupe des Assauts. Oh, la ça. Recette préférée ouais. de la Coupe des Assauts. Recette préférée. OK. Je sais pas ce que ça veut dire. Je sais pas, mais on va savoir tantôt. Oui, dans une vingtaine de minutes, à 8h tout à l'heure. J'allais dire 20h. Oh, c'est pas parce qu'il fait noir, là. Ouais, c'est ça, il fait vraiment noir. Hein. On n'a pas encore reculé l'heure, mais Mathieu, si on calcule bien, si on recule l'heure... Là, il serait 6h30. Il serait 6h30. Fait que ce serait normal. Non, mais ça veut dire qu'il va quand même faire noir de même la semaine prochaine. Peut-être même plus. À 7h30, tu penses? Ouais. Ben, là, on va être une heure plus tard. À ce moment-ci, on va être une heure plus tôt, donc dans une heure, il va faire soleil, non? On va voir dans une heure. On va voir. OK. Oh. Oh, parfait. Oui. OK. Okay. À 8h30, okay. On s'est au courant. OK. Good. On s'appelle. Bon, déjà. C'est bon. Ouais. À 4. avant de commencer l'émission avec Tania Sugarante-Tania, on écoute une pièce du palmarès francophone que les gens ont l'air de bien apprécier. C'est celle des passagers. Voici chacun de nos pas. Assemblage requis. Au 89 FM. C'est fou. Because passagers, la pièce chacun de nos pas à assemblage requis. Ce matin, Tania et moi, on est comme les biscuits Oreo, mais sans, tu sais, la crème, c'est le contenu de l'émission. Nous, on est comme les deux biscuits. Moi, je vais finir l'émission avec une grosse pointe à l'adresse tantôt. Exact. Et toi, tu débutes avec Tania is gonna entertain. Tout à fait. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école, c'est Tania! And she's gonna entertain ya! Ta-ta-ta-ta! Oh oui, Tania Baudin! Ta-ta-ta-ta! Aujourd'hui, c'est notre segment d'actualité selon ton avis personnel, donc ce qui a reçu Tania Attention. Oh, mon attention, oui, Tania, tout à fait. Tania Attention. Oui, c'est bien ça. T'as bien compris. C'est comme ça. ben oui, comme à chaque semaine, en fait, je vais faire un petit peu avec vous le tour de ce qui a retenu mon attention dans l'actualité. Donc, c'est-à-dire actualité locale. Peut-être pas nécessairement ce qu'on a vraiment entendu parler, super gros nouvelles, comme par exemple, on parlera pas de Safia Nolin ce matin. Non. Non. On a déjà assez repassé la collègue du viol juste avant l'émission. On parlera pas non plus de Patrick Lagacé ou des journalistes et des enquêtes du SPVM. Je suis désolée. Mais en fait, on va un petit peu parler de tout ce qui s'est déroulé un petit peu de façon plus subtile dans le monde de l'actualité cette semaine. Et je vais commencer par le match Patriot-UQTR contre Redmen de McGill hier soir. Écoute, début de match assez difficile. On tirait de l'arrière très rapidement en début de match, 4-1 à la fin de la première pour McGill. On sentait qu'il manquait peut-être juste un petit peu d'énergie sur la glace du côté des Patriots de l'UQTR. Mais par contre, lorsqu'il est venu le temps de ramener tout ça en deuxième période et en troisième, ça s'est super bien passé. Les Redmen de McGill ont toutefois mis la main sur la victoire grâce à la cloche, comme on pourrait dire, parce qu'à quelques minutes de la fin du match, les Patriots de l'UQTR commençaient en fait à remettre leurs points justement sur le tableau indicateur. On parlait en début de match de 6-3. En fin de match, on était rendu à 6-5 et on sentait justement que les Patriots étaient très d'attaque, beaucoup plus qu'en début de match, ce qui a peut-être permis justement aux Redmen de McGill de prendre l'avance comme ça dès les premières minutes du match à 4-1. Mais de ce côté-là, en fin de match, ça s'est quand même très bien passé. On parle de plusieurs points, entre autres Tommy Giroux, Maxime Poudrier, Pierre-Élivier Morin, Charles-David Bourdouin, qui ont vraiment tous mis la main à la pâte pour justement faire en sorte qu'on remonte dans les points. C'est comme ça, hein? ça s'est mal passé. Selon l'entraîneur, c'est inacceptable. Ah oui, bon, c'est vrai. On a raté deux filets ouverts, un échappé, un but a été refusé. C'est difficile de blâmer nos gardiens pour tous ces buts-là parce qu'il y en avait vraiment beaucoup qui étaient déviés devant eux. Ils disent on joue mal en défensive. C'est l'histoire de notre début de saison. Ça fait quelques fois que je le dis. On dirait que justement, on manque de défensive du côté des Patriots de l'UQTR. Quelque chose qui est comme un petit peu nouveau aussi pour les Pats ici à Trois-Rivières parce qu'on a tout le temps eu une grosse défensive. On a tout le temps eu une équipe qui était capable de justement sauter sur ses patins à la suite d'un but et de pouvoir détruire une autre équipe de façon assez phénoménale. Ce qu'on nous semble avoir vraiment beaucoup de difficultés en début de saison cette année. Mais bon, c'est comme on le dit depuis quelques temps, c'est un début de saison. C'est juste qu'à un moment donné, on va être rendu à moitié de saison. Alors, il faudrait justement commencer à pouvoir faire quelque chose de ce côté-là. Je ne sais pas s'il faudrait, par exemple, changer certains duos à la défensive, certains joueurs, essayer d'autres joueurs ou peu importe. Mais de ce côté-là, on garde quand même la tête haute. On espère que ça va super bien aller pour les Patriots au courant de la fin de semaine. Ils seront de retour samedi, ici même à Trois-Rivières, contre une équipe de l'Ontario. Alors, si jamais ça vous intéresse, ça devrait être aux alentours de 14h. Génial. Voilà. Parlant de Patriots, parlant de sport, parlant de toi même, est-ce que t'as entendu la bonne nouvelle? Je sais pas, j'ai comme pas. Je vais te surprendre, on va travailler ensemble en cette semaine. Le vendredi et dimanche. Oh, Mathieu, est-ce que tu viens filmer au match des Patriots soccer? Oui! Ben justement, je voulais en faire une petite glissée. Demain soir, vendredi soir, c'est les premières séries du côté du soccer. Les Patriots de l'UQTR Jupiter, sont premiers au classement présentement. On va commencer tout ça, toutes les demi-finales contre l'Université Laval, ici même à Trois-Rivières, au stade Gilles Doucet, si je le dis bien comme il faut. En fait, c'est au séminaire Saint-Joseph, pour ceux qui viennent de Trois-Rivières. Manquez pas ça, honnêtement, manquez pas ça. En début d'année, c'était les deux premières équipes qui s'affrontaient, justement, l'Université Laval, le Patriote de l'UQTR. On avait eu un match extrêmement serré. On avait eu un match aussi très défensif, mais aussi très, très d'attaque. J'ai comme l'impression que, justement, pour les demi-finales, ça pourrait être exceptionnel. Alors, si vous êtes amateur de soccer, eh bien, vendredi soir, 19h, au stade du séminaire Saint-Joseph. Et dimanche, si nécessaire. Dimanche, si nécessaire, exactement. Mais d'après moi, Mathieu, d'après moi, les Patriotes UQTR devraient se rendre en finale. Oh, bon. Ouais, je dis ça comme ça. Je me tente, je me mets la main dans le feu un petit peu. Mais on a une très bonne équipe cette année. Une équipe où il y a plusieurs joueurs qui vont quitter, bien évidemment, à la fin de la saison. Mais ça joue bien ensemble. Belle attaque, belle défensive. Alors, je vois pas pourquoi on pourrait pas partir avec le championnat. Ouais. On en reparle lundi dans Sport et Filet. Exactement. Du côté de Trois-Rivières encore, bien il y a un projet de plus de 100 millions de dollars qui va arriver au District 55. On sait, le District 55, c'est à Trois-Rivières-Ouest. Ça commence à... Exactement. Ça commence à bouger un petit peu plus. On veut faire un peu comme un quartier de 10-30 proche de... Enfin, on veut copier le quartier de 10-30. Oui, c'est ça. En appelant le nom quasiment exactement pareil. Oui, quasiment. Bien, les choses vraiment commencent à bouger là-bas. Là, il y a le nouvel ameublement Tanguay qui a ouvert. Il y a certains autres commerces qui vont commencer à ouvrir. Déménagement du concessionnaire Mercedes aussi. Confirmation de la construction d'un nouveau colisée qui va être mis en place là-bas, justement. L'entreprise Habitation Paris et Frères s'embarque aussi dans un développement de condominium qui va nécessiter un investissement de plus de 100 millions de dollars. La ville de Trois-Rivières, j'ai comme l'impression que, justement, on est en train de grossir, là. Petit à petit, on est en train d'amener les gens qui sont dans les grandes villes, qui commencent à trouver ça extrêmement cher, venir justement s'établir entre une ville comme Montréal et une ville comme Québec. Alors, c'est merveilleux pour ça. C'est un projet qui a été annoncé en grande première en présence de plusieurs dignitaires mercredi après-midi. Donc, les travaux de construction de la phase 1 du développement ont d'ailleurs déjà débuté. Les premières unités devraient être prêtes au printemps prochain. C'est une première phase qui va comporter plus de 500 unités et ça devrait s'échelonner sur une période de 6 à 8 ans. C'est des unités de condos de 3,5 à 4,5 qui se retrouveront dans des immeubles de 8 à 12 condos, par exemple, et c'est ce qui va prendre place pour la phase 1. Et elles vont être vendues à des prix situant entre 120 000 et 175 000. Mathieu, si on fait exemple... comme ça, là, une petite comparaison, vite fait, bien fait. Un condo à Montréal, ça commence à 175 000. Et bien souvent, tu vas pas en bas de 250 000 pour un 3,5. Mm-hmm. Donc, ici à Trois-Rivières, District 55, situé exactement à côté de l'autoroute, je pense que c'est quelque chose qui pourrait justement amener beaucoup de gens à Trois-Rivières. Les immeubles vont également être dotés de terrasses sur leur toit. C'est une nouvelle rue qui devrait aussi être aménagée. J'ai hâte de voir ça. C'est le fun de voir du développement comme ça qui se fait à Trois-Rivières. Développement qui va compter également 64 unités qui vont être destinées au marché locatif. Donc, on va avoir des emplacements qui vont être simplement pour les marchés. Des dimensions, encore une fois, de 3,5, 4,5 et 5,5 qui vont être répartis dans 8 immeubles différents un petit peu partout dans le district 55 qui va être habitable en juillet 2017. Donc, ça sent bien. C'est déjà... Oui, c'est ça. Ça va vite. C'est déjà bientôt. Ils vont être construits en collaboration avec le groupe La Ferté, le groupe Robin. Et c'est un beau projet. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'imagine que ça va amener beaucoup de gens. C'est peut-être pour ça que sur les dessins, ils ont marqué vélo sur un des magasins. Je ne sais pas si ça veut dire qu'il va y avoir La Ferté Bicycle. Parce qu'il y a un vélo, un roche et un loft sur leur dessin. Ouais. Je sais pas. Ouais. Mathieu, est-ce que tu savais que l'expertise de l'UQTR a été sollicitée par la Silicon Valley? Ooh, wow! International Worldwide! Que oui! Mm-hmm. C'est un article dans le blog de l'UQTR qui est sorti cette semaine. On parle de Thing Le Dinh, qui est un professeur au département de marketing et systèmes d'information et co-directeur du laboratoire de recherche et d'intervention sur le développement de l'entreprise dans les pays en développement de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Tu sais, lui, là... Écrire ça sur son CV, là, je pense qu'il est mieux de rester à ce poste-là. Ou de mettre un acronyme. Oui, exactement. Bien, il est de retour d'un séjour d'un mois au siège social d'Adobe à San Jose, en Californie. C'est que la géante américaine, notamment reconnue pour ses logiciels graphiques, services de marketing numérique, a sollicité justement l'expertise de l'UQTR afin de pouvoir appuyer la grande compagnie dans le développement d'un service intelligent pour le service à la clientèle qui est basé sur la technologie cognitive agent. Donc, c'est une technologie qui a déjà été testée depuis quelques années, par exemple Google, Apple, Amazon, Microsoft. Ils ont tous déjà testé cette technologie-là et ça permet aux utilisateurs de poser une question à voix haute à leur appareil intelligent afin d'obtenir une réponse sur pratiquement n'importe quel sujet. À la Siri et les autres. Exactement. Ouais. Bonjour Siri, c'est cette technologie-là, ouais. Vous comprenez? Et le défi, eh bien, c'est d'offrir à l'utilisateur la réponse la plus courte, mais la plus pertinente possible. Gros défi, ça. C'est un extrême gros défi parce que si souvent vous allez parler à Siri, elle va vous donner comme 14 millions de choix. Voici les résultats sur le web que j'ai trouvé. Exactement. Okay. Donc, c'est à cette tâche-là précise que le professeur de l'UQTR va consacrer la majeure partie de son temps pendant son séjour chez Adobe. Et pour chaque question de l'utilisateur, il existe des millions de réponses possibles. C'est un petit peu ce qu'on vient de dire avec Siri. Mais pour que l'outil demeure vraiment efficace, le plus efficace possible, il faut que les réponses soient le plus concises, le plus expertisées possible. Bien énoncé. Exactement, le plus pertinente possible. Et ça requiert tout un travail de classification des connaissances, concepts génériques, des gestions de connaissances spécifiques du client. Et à l'avenir, bien, on va assister littéralement à un dialogue entre l'homme et la machine, c'est-à-dire l'appareil intelligente. Et on va poser des questions et le système va pouvoir relancer l'utilisateur comme avec une question initiale, elle aussi. Comme ça, il va y avoir un système de recherche qui va être fait à l'intérieur de votre appareil intelligent pour arriver à une réponse plus précise. Extrêmement précise, voilà. Donc, c'est vraiment cool. Ça a été financé à hauteur de 7 500 $ US pour 3 mois. Ça pourrait être la première d'une série de plusieurs déjà. Et c'est une collaboration UQTR-Adobe. Alors, génial. Félicitations. C'est pas un gros montant, mais quand même. C'est pas un gros montant, mais écoute, Silicon Valley. Faut commencer quelque part. Si l'UQTR peut apparaître un petit peu partout là-bas, c'est génial. Mathieu, je suis tombée sur un traitement expérimental qui pourrait devenir prometteur contre l'AIDS. Donc, on parle d'un traitement expérimental contre la maladie qui s'est révélé potentiellement prometteur et sans effet toxique. Et ça, c'est selon les résultats d'un petit essai clinique publié mercredi. Alors, faut quand même faire attention. Il reste des recherches à faire. Il reste des essais cliniques aussi à faire. On parle d'un petit essai clinique. Ça ne veut pas dire que si on fait des plus gros essais, ça va encore fonctionner. Mais l'étude qui paraît dans la revue médicale américaine Science Translational Medicine a ouvert la voie à 2 essais cliniques qui sont plus étendus et qui sont en cours avec près de 3000 participants atteints de cette fameuse maladie-là. Et c'est une molécule, en fait, qui est appelée Verubicistas, qui est développée par les laboratoires américains. Oui, Merck. Verubicistas. C'est pas super cute comme nom de bactérie, de molécule, qui réduit la présence de protéines toxiques, attention, bêta-amyloïdes dans le cerveau, et ça bloque une enzyme appelée BAS1. C'est un petit peu comme ça que ça se produit. Donc, dans la maladie d'Alzheimer, il y a une dégénérescence neurologique incurable qui est liée justement au vieillissement de ces protéines-là. Et ces protéines vont former des plaques qui vont s'altérer avec le fonctionnement des neurones. Et c'est ce qui va affecter, par exemple, les capacités cognitives, dont notamment la mémoire. Donc, c'est grâce à cette fameuse molécule-là et dans les laboratoires pharmaceutiques mondiaux qui sont mobilisés pour développer des molécules capables d'arrêter ou encore d'inverser la formation de ces plaques-là, bien, les traitements sont déjà commercialisés pour traiter l'Alzheimer. Ils minimisent les symptômes de la maladie, mais il n'y en a encore aucun qui est capable de tout simplement arrêter la maladie ou de ralentir sa progression. Et c'est vraiment là-dessus qu'on se concentre pour le projet. Donc, les 32 participants au premier petit test clinique qui a été fait dernièrement souffraient de la maladie d'Alzheimer à des stades précoces et modérément avancés. Donc, on n'a pas encore fait les tests sur des gens qui sont beaucoup plus atteints, qui sont un petit peu plus loin au niveau de la maladie. Mais si on est capable, justement, d'arrêter tout ça au stade précoce, au stade modéré, peut-être que, justement, ça peut éviter la dégénération constante de la maladie. Donc, contrairement aux autres molécules qui neutralisent l'enzyme BAS1 qui sont développées et testées précédemment, bien, le verubicestas n'est pas toxique. Ça pourrait ajouter une très bonne chose au traitement contre l'Alzheimer. Et elle ne provoque pas d'effets secondaires, hépatiques et neurologiques sévères pour le moment. C'est ce qu'explique Matthew Kennedy du laboratoire de recherche Merck dans le New Jersey. Et les chercheurs ont mesuré les effets de la molécule et ils ont constaté qu'une ou plusieurs doses de cette fameuse molécule-là pouvaient justement abaisser les niveaux nocifs de bêta-amyloïdes qui sont une des problématiques dans la maladie de l'Alzheimer. Alors, on espère, on se croise les doigts, en fait, que ce traitement-là va pouvoir fonctionner si on fait de plus gros essais cliniques, si on fait des recherches peut-être un petit peu plus prononcées, et si on teste sur des gens qui sont déjà plus avancés dans le stade, si ça fonctionne ou si on peut voir tout simplement une amélioration de leur santé, ça serait merveilleux parce que c'est une maladie assez difficile. Absolument. Moi, je travaille, en fait, je cherche de l'argent, okay, pour travailler sur mon projet. C'est pour oublier Éric Salveille, OK? Il s'appelle le Salveille-Zeimer, je travaille là-dessus. Oh, c'est bien donc, dit. Tu remplaces le Zeimer par le Salveille-Zeimer. OK. Tu oublies qu'il existe. Tu oublies toutes ses émissions. Pas pire. Cœur. Pas pire. Du côté de la santé encore, bien Mathieu, je ne sais pas si tu es au courant, mais il pourrait y avoir plus de 700 000 nouveaux cancers qui seraient liés à l'alcool. Ah, bon! OK, oui. L'alcool est responsable de plus de 700 000 nouveaux cancers et 365 000 décès par cancer d'œsophage, colon rectum, gorge, foie et sein chaque année dans le monde, essentiellement dans les pays développés, pas sous-développés, dans les pays développés selon de nouvelles estimations qui ont été rendus publics mercredi à Paris à l'occasion du Congrès mondial contre le cancer. Donc, c'est une grande partie de la population qui ne sait pas encore que l'alcool peut provoquer certains cancers, justement. Et c'est ce qu'a souligné le docteur Kevin D. Shield en présentant les résultats préliminaires d'une étude qui a été menée par le Centre international de recherche sur le cancer. Et l'étude qui base ses données sur des données de 2012, quand même, on n'est pas dans les temps de 2016, mais ça montre que les cancers liés à l'alcool représentent 5 % des nouveaux cas de cancer et 4,5 % de tous les décès par cancer chaque année dans le monde. Wow! Et dans ces fameux pays développés-là, bien, on retrouve entre autres l'Amérique du Nord, l'Australie, l'Europe, plus particulièrement l'Europe de l'Est. Et ça, ce sont vraiment les régions qui sont les plus touchées dans le monde par ces fameux cancers qui sont liés par l'alcool-là. Je pense qu'on va faire d'argent. Oui, c'est ça. T'as arrêté de boire un peu pas mal. Ouais. Ça va aller mieux. Ouais, c'est ça. Faites attention. Faites attention. Retenez ce que t'as. Faites comme Tania. C'est ça. Hein? Buvez moins. Ben oui. Sortez moins. Tout à fait. Moins de karaoké. OK, hein? Oui. Mathieu, si je te dis une application qui est extrêmement populaire depuis les dernières années, qu'est-ce que tu me répondrais? Une application, c'est Tinder, j'imagine? Non. OK, si je te dis une application du style médias sociaux. Snapchat. T'es presque prêt. J'aurais pu dire Snapchat aussi, mais c'est Instagram. En fait, j'ai goût de vous parler d'Instagram. Je préfère celle. Moi, c'est ma préférée, je pense, de tout le groupe. Pour vrai? Oui, j'adore. C'est merveilleux, Instagram. Ouais. Eh bien, ça va faire une incursion dans le commerce en ligne. Ah. Tout ce qui est, tu sais, vente, boutique en ligne et tout ça. Produits faits à la main, des fois, les Etsy. Exactement. On le voit beaucoup sur Facebook. On le voit aussi beaucoup sur Twitter. Ouais. Mais là, l'application de partage de photos, vidéos, Instagram, qui est une filiale du groupe Facebook, en passant, pour ceux qui n'étaient pas au courant, a annoncé cette semaine qu'elle allait commencer à tester des moyens de justement permettre à ces fameux utilisateurs d'acheter plus facilement certains produits qui sont découverts sur l'application. Mmh. Donc, si vous allez, par exemple, je ne sais pas moi, aimer une page sur Instagram qui est une page commerciale, comme par exemple, je ne sais pas moi, des bijoux ou encore technologie, jeux vidéo, peu importe, bien souvent, on va pouvoir vous mettre un lien pour arriver à la boutique en ligne. Bien, Le test va démarrer la semaine prochaine aux États-Unis avec un petit groupe d'utilisateurs d'iPhone ou encore iPad et ça va être en coopération dans un premier temps avec 20 marques. Donc, par exemple, Kate Spade, Jack Trades, Warby Parker, qui je sais les pas. Lunettes. OK, merci. Et vont détailler Instagram dans un message publié sur son blog officiel. Et certaines photos publiées par ces marques-là vont disposer d'un bouton dans le coin inférieur gauche qui va vous permettre de faire apparaître des informations plus détaillées sur 5 produits et leur prix. Ben, tu vois, des Warby Parker, c'est le genre de choses que je ferais « Buy it, j'ai vu tout! » Tu vois, là, ça va être super facile, ouais, Mathieu. Oh boy. Donc, la tentation va être à son plein sur Instagram dans les prochains jours. Je suis déjà à fleur de peau sur la tentation. Faites attention. Ah. Instagram dit en fait vouloir explorer à plus long terme une expansion mondiale de ce que pourrait être le commerce en ligne, la possibilité d'avoir des recommandations sur des produits ou encore de sauvegarder des contenus pour plus tard. Donc, ouais. Tout ça va pouvoir faire l'objet de la fameuse petite recherche et on va pouvoir voir comment ça va fonctionner du côté d'Instagram. Et la productivité va encore descendre d'un cran. J'ai hâte de voir ça. Ouais. Mathieu, selon une recherche qui a été faite aux États-Unis, c'est un article qui est plus ou moins fiable. J'ai comme le goût de dire. En fait, c'est le site Elite Daily qui est quand même un blog vu plusieurs fois. Tout dépendant du sujet que vous voulez aller voir sur Elite Daily. Là. Mais les Uber coûteraient plus cher pour les femmes que pour les hommes aux États-Unis présentement. Oui, parce que lorsque vous commandez un système Uber, pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est, parce qu'on n'en a pas ici à Trois-Rivières, c'est ce fameux système de taxi qui coûte beaucoup moins cher et qui rendrait la vie des gens beaucoup plus simple. Mais bon, ça, c'est un autre trop beau pour être vrai. Ça veut dire que ça durera plus longtemps. Exactement. Mais aux États-Unis, en fait, dans le coin de New York, ce qu'on a pu constater, c'est qu'on a envoyé des gens qui étaient justement, faisaient partie de cette fameuse recherche-là. On leur a demandé de se diviser en deux groupes. Donc, femmes blanches et femmes noires qui sont représentatives et aussi des hommes dans tout ça. Donc, on parle de 8 personnes qui ont été choisies. J'imagine que c'est 4 hommes blancs, 4 femmes blanches et 4 hommes noirs et 4 femmes noires. Et on va le dire, c'est vraiment pas beaucoup, 8 personnes. Non, je sais. Hein. Ils ont fait quand même 1500 courses Uber à 8. Et ce qu'on a pu trouver avec tout ça, c'est que justement, Uber aurait une tendance sexisme et raciste parce que du moment que tu écris un nom qui semble être féminin, eh bien, ton prix n'est plus le même que celui du gars à côté de toi. Même chose pour quelqu'un qui est noir aux États-Unis présentement, si le nom semble être un nom africain ou noir, c'est plus cher aussi que le gars. Parce que j'imagine que quand tu remplis le formulaire pour avoir un compte Uber, c'est tu choisis ton genre. J'imagine, mais je pense pas que tu te demandes ton origine. Ça dit pas encore pourquoi est-ce que ça fait ça. La recherche fait juste dire qu'il y a comme une question à se poser, à savoir pourquoi, justement. J'ai hâte de voir si on va savoir à un certain point. L'analyse de photos de profil. Ouais. Sa teinte. Peut-être. Sa couleur. Je sais pas. On sait pas. Je finis avec... un petit segment voiture technologique. BlackBerry va s'affilier à Ford. Hein? Pourquoi? Bien, c'est la renaissance de BlackBerry qui va passer par l'automobile, sachez-le. L'entreprise a annoncé cette semaine une entente qui verra travailler main dans la main avec le constructeur Ford pour installer justement son système d'exploitation QNX à bord de ses véhicules. Donc, c'est très peu connu du grand public, mais le système QNX tourne pourtant déjà dans environ 60 millions de véhicules dans le monde. C'est les clients de Ford qui l'utilisent déjà probablement le plus souvent sans le savoir, puisque c'est sur lui que s'appuie le système d'infodivertissement Sync 3 de la marque américaine. C'est conçu à l'origine par l'entreprise canadienne du même nom acquise par BlackBerry en 2010. QNX est un système d'exploitation qui est réputé, qui est extrêmement fiable et qui est destiné à être intégré dans des composants électroniques qui sont déjà faits. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est que dans une automobile, par exemple, le système peut être utilisé pour de l'infodivertissement, mais aussi dans une panoplie d'autres modules, donc par exemple l'acoustique, la télématique, la navigation, cette fameuse petite caméra de recul et aussi la conduite assistée. Donc, c'est une industrie qui est changeante pour BlackBerry et Ford. La popularité de QNX dans le domaine automobile est quand même assez représentante. On peut le voir dans d'autres compagnies aussi. On cherche à savoir cette fameuse ce fameux système-là. Et comme en témoigne le nombre de véhicules qui y intègrent, la relation entre BlackBerry et les constructeurs automobiles n'avait jamais encore été directe. Le premier fournisseur de son produit a été un fabricant intermédiaire d'équipement qui, lui, le revendait par la suite dans un ensemble au second constructeur. Donc, on n'avait jamais vraiment fait le lien BlackBerry et constructeur automobile directement. Oui, oui. Mais c'est une structure qui est appelée à changer, selon John Wall, qui est vice-président principal et chef de QNX chez BlackBerry. Il dit que les logiciels deviennent de plus en plus importants pour les constructeurs automobiles. Il les voit maintenant comme le moteur ou la transmission d'une voiture. Et à ce titre, bien, les constructeurs veulent se rapprocher des concepteurs de logiciels, justement. BlackBerry n'exclut pas d'ailleurs que la possibilité de signer d'autres contrats et d'autres ententes similaires avec d'autres constructeurs automobiles. On parle d'une entente, mais on ne parle pas nécessairement d'un monopole pour Ford. Alors, BlackBerry pourrait justement faire revivre ses formes et tout ça dans le domaine de l'automobile. T'aimes toujours pas Ford, par contre? Est-ce que ça va te faire aimer plus Ford? Ben, je dirais... ça dépend. Ouais. J'ai travaillé dans le monde de l'automobile assez longtemps, une couple d'années à Montréal, et on avait beaucoup de véhicules Ford, mais petits, compacts. Ce que je trouvais qui brisait beaucoup. Par contre, si on va dans les vieilles Ford Mustang, là, tu me gagnes. pas les nouvelles. C'est fait Ford, c'est fait fort. Comment disait ma tante, ferraille, ordure, rebut, déchet. Hey boy! Oui, hey, exactement. C'est beau, ça. Oui, je sais. Voilà. Merci, Tania. Fait plaisir. D'autres nouvelles la semaine prochaine. On fait ça le jeudi habituellement. La chronique de Tania is gonna entertain ya tous les matins à Assemblage Rock. On prend une pause. Au retour, c'est Alex Marchand et la chronique de la GEQTR. Pour l'écouter. 89.1. Vous êtes toujours dans Assemblage requis avec Mathieu Blanc et Tania Baudin. Hey! Et on a maintenant Alex Marchand qui est avec nous. Bonjour. Ben oui. Bonjour. C'est le président lui-même, le président de l'AGEQTR. Ben oui. Il me donne envie de chanter à chaque fois, puis à chaque fois, ça lui fait honte. Donc, me voici. AGEQTR, AGEQTR. Peu importe ton âge, tu t'en vas à l'AGEQTR parce que l'AGEQTR, ça n'a pas d'âge. Yo. Pro. Alex Marchand commence à avoir des idées. Là. Il essaie de vouloir. Il veut changer l'intro. Là, ben, tu sais, ça s'en vient. Là. On travaille sur quelque chose. Tranquillement, pas vite. Ça va être surprise, mais que ça arrive. Hein? Oui. Oh oui, effectivement. Donc, Alex Marchand, on commence. On a plein de sujets en fait aujourd'hui. Comme on l'a dit plus tôt dans l'émission, il y a comme 5-6 affaires, là, ça n'arrête plus. On commence par le CA de l'AGE. Oui, exactement. On a tenu notre conseil d'administration. Je pense qu'on était rendu en 403e en fin de semaine. Donc, c'est compté, il y a des. J'imagine, oui, parce qu'il y a des notes de tout ça, des dossiers, des archives. Oui, exactement. Donc, on tient quand même les archives de tout ce qui s'est passé depuis le début. Puis ça fait maintenant 41 ans que le GEQTR existe. Là, plein d'archives. Qu'est-ce que vous avez fait pour célébrer le 400e CA? On n'a rien fait, imagine-toi donc. Ah. Parce que c'était un CA d'été. Puis l'été, il n'y a pas vraiment beaucoup d'admin. Puis en plus, on était comme sur le rush de la pré-rentrée. Ça s'est tombé en nous, en fait. Puis le mois d'août, c'est le mois de préparation au mois de septembre. Puis le mois de septembre, on n'a pas de vie. Fait ça l'a pas donné, malheureusement. Mais on y a pensé à faire quelque chose, mais ça n'a pas pu se produire, finalement. Fait qu'on l'a mentionné, c'est bref que c'était le 400e. Dommage. Mais bref, pour celui-là, qui était le 403e, je le répète, en fait, il y a plusieurs points qui ont été mentionnés à l'heure du jour, mais je vous dirais que c'est un CA qui a été assez calme. Depuis le début, tu sais, on a quand même des CA qui bougent beaucoup, ils ont beaucoup de points, on a beaucoup de trucs à discuter. Celui-là était assez short, mais quand même des beaux points qui ont été discutés. D'ailleurs, on a commencé ça avec un point que je vais aborder peut-être un peu plus loin. En fait, il y a M. François Fugère, qui est décédé cette semaine, la semaine dernière, je m'excuse, justement, puis ça a comme tombé comme une bombe sur le campus, vraiment, tout le monde en parlait, voyons qu'est-ce qui s'est passé, François, il allait bien, il me semble, la semaine d'avant, puis tout, mais c'est ça, M. Fugère est décédé, malheureusement, puis on a commencé le CA en soulignant sa mémoire, en fait, puis en faisant une minute de silence. Je sais que ça a été apprécié par beaucoup d'administrateurs qui le connaissaient personnellement, puis qui ont trouvé ça... qui ont trouvé ça fun qu'on le souligne, en fait. Et là, la raison de son décès n'a pas été dévoilée au grand jour, même s'il y a des rumeurs qui courent, on ne se dit rien dessus parce qu'on n'est pas certain de ce qui s'est passé. Non, exactement. On n'a aucune confirmation à l'heure actuelle, mais c'est le salon funéraire, d'ailleurs. Je vais commencer tout de suite avec ce point-là. Mais c'est le salon funéraire ce soir de 19h à 22h qui va se dérouler au salon funéraire devant l'université, que je ne me rappelle plus le nom, mais bref, il est assez flagrant. Le gros, flagrant, là, ouais. Le gros, là, juste ici. Dans le petit boisé, là. C'est un centre funéraire Rousseau quelque chose. Oui, exactement. Puis demain, de midi à 15h, puis sinon, les funérailles sont à la cathédrale de Trois-Rivières de 15h jusqu'à probablement 17h, 18h. Là. Donc, si vous l'avez connu puis que vous voulez souligner sa mémoire, je vous invite à venir. On va être là, nous autres, ici. On a acheté des fleurs puis tout. Fait que. Venez en grand nombre, c'était un grand homme. Voilà. Ensuite, le Movember, la Coupe des Assauts. Oui, exactement. Le Movember. Vous allez tout vous faire pousser la moustache? Oui, mais en fait, pas toutes. C'est, okay. Pas toute la moustache, juste le centre. Juste le centre en de fait, c'est les associations qui peuvent gagner des points pour chaque participant qui envoie pour faire le Movember. Donc, ils ont juste à raser leur moustache pour garder le reste de leur barbe. Parce qu'on sait tous que la barbe est à la mode présentement. Encore? Oui. OK. Fait que c'est quoi? C'est qui? Je pensais que c'était fini, ce temps d'épisteur, là. Oui, la grosse barbe. OK, ouais. Ah non, même pas. Ben, c'est pareil, c'est fini. J'ai vu un article là-dessus récemment. Là. Ça tire sur la fin. Ça tire à sa barbe. Fin, hein? Ouais, ouais, je pense que je le sens. Là. J'ai essayé de me raser récemment, puis j'avais l'air d'un bébé, là. C'est, ah, c'est ça le problème, c'est que tous les gars pensent ça. Ouais, c'est vrai. C'est très vrai. Je vais juste revenir sur le CE aussi, parce que je vais sauter à mon deuxième point tout de suite. En fait, on a eu l'élection pour la vice-présidence aux affaires académiques de premier cycle. Nous n'avions pas reçu de candidature, donc Alexandre Beaudoin a gardé le poste intérimaire jusqu'au 20 novembre. Le poste va être réouvert cette semaine ou la semaine prochaine. En fait, je pense à la date de vendredi qu'il va être réouvert. Je vous invite à postuler si jamais vous êtes intéressé à devenir vice-président aux affaires académiques de premier cycle. Sinon, au niveau des comités, je suis content parce que mes comités sont presque pleins. comité, en fait, de relations de travail, j'ai des relations avec les employés de l'AGE est complètement plein, il n'y a plus de place. Sinon, le comité de recherche et de suivi du plan de développement, donc la planification stratégique, il y a deux nouvelles personnes qui ont joint le comité, donc on va faire plein de nouvelles idées, puis on va avancer ce dossier-là avant la fin du mandat. Pour ce qui est du reste de l'ordre du jour, en fait, il y avait le point crée aussi. En fait, le GEQTA s'est positionné pour faire partie d'un comité de travail spécifique de l'UEC. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, la CRE, ce que c'est pour la compensation ou la rémunération des stages en éducation. Donc le stage 4 qui est la charge de 100% d'un professeur, mais qui prend vraiment beaucoup d'heures dans une semaine. Donc on parle au-dessus de 30 heures, donc c'est presque un poste qui est à temps plein. Puis justement, ben les étudiants sont obligés souvent de lâcher leur emploi puis juste pour prendre le stage puis travailler. C'est comme un professeur travaillerait, donc c'est... Et ils pensent que ça devrait être rémunéré, que ça devrait être compensé, puis on le pense aussi. Donc on travaille dans leur sens. Puis là, ben, on va faire partie d'un nouveau comité de travail spécifique financé par l'Union étudiante du Québec, qui est une des grandes associations nationales. Présentement, mettons, sur la scène universitaire nationale étudiante, il y a bien sûr toujours l'association, ben l'AC en fait, il y a l'AVEC, l'Association pour une voix étudiante, puis il y a l'Union étudiante du Québec. L'Union étudiante du Québec a décidé de faire un comité de travail spécifique, de le financer à 14 000, de demander aux assos de la CRE de participer à ce comité-là, puis là, ben, c'est ce qui est en train de se produire. Vous en faites partie. Exactement. Ouais. Hein, les gens qui se demandent à quoi ça sert l'AGE, regarde ça, il vient de l'expliquer en un paragraphe. Oui. C'est pas pour des projets comme ça, c'est cool. Oui, effectivement. Ouais. Puis c'est d'ailleurs dans la mission aussi de juste représenter les droits et intérêts de nos membres. C'est un peu à travers ça qu'on le fait aussi. Là. Génial. Sinon, on a aussi voté des positions sociopolitiques. Entre autres, cette semaine, il y avait mardi la manifestation contre la violence sexuelle, aussi pour venir en appui aux survivantes de l'Université Laval qui s'était fait agresser durant la nuit du 7 octobre, si je ne m'abuse, ou du 16, je suis vraiment pas sûr de la date, je m'excuse. Dans le mois d'octobre. Oui, exactement. en fait, c'est ça, on a voté des positions contre la violence sexuelle pour dénoncer la culture du viol et aussi, entre autres, pour demander d'avoir une place autour de la table que la ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur va tenir à Saguenay, Gatineau, Québec et Montréal. Donc, pour les comités qui ont un intérêt à être là et les associations étudiantes universitaires puissent être autour de la table et que ce soit pas seulement des associations de ces villes-là qui sont invitées. On avait une petite inquiétude étant donné que il y a pas de table qui se tient en Mauricie. Donc, on se dit, peut-être qu'on sera pas invité. Donc, on se dit, on va envoyer une lettre. Comme ça, on va avoir notre réponse. Puis, ça devrait bien fonctionner. C'est les carrés mauves en passant le viol. Oui, j'ai remarqué cette semaine, j'avais pas. J'avais vu quelques carrés mauves, puis je savais pas trop c'était quoi. J'ai vu l'article dans le, je sais pas, Nouvelliste ou quelque chose comme ça. Oui. On a fait le lien. Dorénavant, on le sait, carré mauve égale viol. Oui, exactement. Ben, égale, stop, le viol. Oui, oui, pas genre, yeah, go ouais, viol. C'est ça. Non, hein. On a compris. Mais en même temps, ça fait un beau parallèle avec le monde étudiant, puis les carrés rouges de 2012. Exact. C'est là, on va avec le carré mauve pour dénoncer la culture du viol, mais par les étudiants. En fait, c'est fou comment le fait qu'on parle de viol à tous les jours à l'émission pendant comme super longtemps me rappelle 2012 où on parlait tout le temps des carrés rouges à l'émission. C'était, on recevait invité par le dessus, invité par chroniqueur, par, c'est tout le temps ce sujet-là. Puis là, c'est la même chose par rapport au viol. Il y a des comme un cycle. C'est un des cycles, et voilà. Ouais. Ah, des cycles médiatiques. Voilà. Sinon, on a parlé la semaine passée du point cuisine froide à la chasse-galerie. Oui. Là, ça a été voté, fait que là, on peut en parler. Cuisine froide. On veut savoir. Des salouches faits par la chasse, c'est ça? Oui, exactement. En fait, c'est surtout dans une mesure de dégager une plus grosse marge bénéficiaire pour les comptables qui nous écoutent. Ouais. Ça, c'est justement pour que la chasse soit plus rentable, en fait. Parce là, on revend les produits des autres. Exact. Ouais. Présentement, est-ce que vous êtes en train de dire que la chasse n'est pas rentable? Ben, ça a été mentionné en OG. C'est rentable sa bière. Ouais, c'est ça. C'est sûr, exactement. C'est rentable à un certain point. Ouais, non, c'est sûr, mais il y a du travail à faire à ce niveau-là. Ça a été mentionné par l'OG, donc c'est quelque chose qu'on a entendu. Notre vice-président sur finances et développement a travaillé sur quelque chose avec la gérance de la chasse-galerie. Puis là, présentement, il y avait déjà de l'équipement qui pouvait être acheté à partir de certains, comment je dirais, des outils promotionnels de certains de nos fournisseurs. Fait que là, l'équipement pour la cuisine froide a à peu près rien coûté à la GEQTA, mais par exemple, il va probablement falloir embaucher quelqu'un puis regarder comment que ça peut fonctionner aussi avec les différentes normes en cuisine qui se passent. Mais il y a un mandat de regarder le projet, en fait, de produire un document, un espèce de plan d'affaires de comment ça pourrait se produire, ce projet-là. Puis éventuellement, probablement, on espère en janvier prochain, si ça peut commencer, que la chasse-galerie puisse produire elle-même ses sandwichs. On peut commencer petit puis avoir d'autres fournisseurs encore, mais avec le temps, éventuellement, se débarrasser les autres fournisseurs, ce serait ça? Oui, exactement. Okay. Puis c'est sûr qu'en même temps, on sait tous que les portions de la chasse-galerie, c'est très bon. Là, ça rend j'adore. Pas non, c'est exactement. En tout cas, ça vaut pas, Mathieu. Ouais, sérieusement, là, deux bouchées, ça, là, les petits ciabatta, là, on va se le dire. On va se le dire. Bravo, le goût est très bon, là. Mm-hmm. Le goût est excellent. Ah, sont incroyables, effectivement, mais ils sont pas assez gros, je suis complètement d'accord. Puis ça, c'est un problème auquel on va remédier. Les portions seraient plus grosses, puis en même temps, on pourrait se permettre quand même de faire des coups plus gros, peut-être même des petites salades, des soupes. Ouais, on va vraiment explorer l'offre alimentaire dans toute sa grandeur. La chasse-galerie a évolué à travers les années, a évolué et dévolué, dépendant de quel bord vous voulez regarder la chose, mais par le passé, il y a déjà eu des soupes chaudes à la chasse-galerie. Oui, c'est vrai. Il y a déjà eu, qu'est-ce qu'il y a eu? Des smoothies. Il y a juste un officier qui en prenait dans chaque jour des smoothies, c'était le seul qui utilisait la machine. C'était pas particulièrement. Mais ce serait de retour à la mode maintenant. Je pense que là, ça fonctionnerait. Peut-être que c'était à l'avant-garde, peut-être, les smoothies. Ouais, parce que je m'en rappelle même pas. Puis il y avait aussi les petits plats préparés là, du courant des bois. Il y a plein d'affaires à travers le temps. Là, présentement, le courant des champs, par exemple. C'est ça, j'ai dit. Donc, présentement, il y a. À cause de corriger, je suis tout le temps. Ouais, t'as juste mal entendu. Mais est-ce que ça veut dire que nos sandwichs vont se ramasser au prix du trio à la cafétéria? 8,50. Vous pouvez oublier ça, on n'enquêtera jamais ce Nexo parce que ce qui a été voté en Assemblée Générale il y a peut-être un an ou deux, je crois, c'est que la chasse-galerie doit être un service et non un commerce, exactement. Pour le profit. Donc, c'est d'ailleurs une des raisons pourquoi les prix sont si abordables que ça. Est-ce que vous avez vu beaucoup de bières dans votre vie à 1,50$? Moi, c'est juste à la chasse-galerie que j'ai vu ça. À Montréal, là, mais... à des jours bien spécifiques de la semaine, tu sais. Puis, quand t'es une fille, sûrement, juste ladies night. C'est vrai. Ouais. Donc, ça permet justement aux membres de l'OGA, les cuiteurs, de toucher une partie de leur cotisation, tu sais, de 15$ par session, par justement, en profitant des bars. En économisant sur l'alcool. Ouais. Exactement. Sur l'alcool, puis aussi sur les différents mets. Parce que, c'est quand même bonne très idée. Bien. Oui. On aime ça. Très bonne. On va suivre le dossier de semaine en semaine. On va tout le temps te demander pi. Ça vient-tu ces sandwichs-là? On va compter le nombre de jours avant que ça commence. Tu penses quoi avec les petites brochettes de céleri? C'est ça. C'est vrai, pour le prochain point, je m'adresse aux artistes, auditeurs. En fait, on n'a toujours pas reçu des candidatures, mais des ébauches pour l'agenda, en fait, 2017-2018. Oui. Fait qu'on a prolongé le concours qui se terminait le 31 octobre jusqu'au 1er novembre. Donc, il y a trois prix, dont le premier prix, je crois, qui est de 300$. Puis en plus, vous avez votre travail qui va être la couverture du prochain agenda. prochain deck sur, donc faites quelque chose, envoyez-le. Le 1er novembre, on est le 3. Ah, j'ai mis le 30 novembre, je m'excuse. Okay, 30 novembre, okay. D'accord. Parce qu'on trouvait que... Ouais, là, c'est là, short, OK, mais ça fait une journée. C'est après, c'est ça, 30 novembre, mesdames et messieurs. Envoyez votre travail d'artiste. Nous allons le recevoir avec beaucoup de joie et de... Variez-donc un peu votre design, s'il vous plaît. Ouais. Oui. Allez vous promener à la galerie 3R, le show, qu'il y en a plein qui vont. Les cubes sont bien beaux, là. Ouais. On va faire. Le toit du Pierre Boucher aussi, c'est comme ces deux clichés. Mais je te garantis que ça va être encore sur l'année prochaine, parce que c'est tout le temps ça. Ouais. Faut que ça représente l'UQTR. Mais ouais. Hein? C'est comme des icônes. À moins qu'on pourrait peut-être faire de quoi avec le U, genre, devant le Pierre Boucher, qu'on sait pas trop c'est quoi. Mais c'est pas l'UQTR, ça, c'est l'Université en général du Québec, je pense. Ah, ouais. Non, peut-être. Je pense que c'est le U de U. Le U de U du Québec, je pense. Ouais, parce qu'ils sont tous pareils. C'est ça. Ah, peut-être, ça se peut terrible. Bref. Un gros tilleur. Très, très universitaire. Ouais, très universitaire. Oui, bon, Mathieu vient de donner des idées aux gens. Non, mais là, pour que les gens participent. Oui. Ah oui? Okay. Puis sinon, on a élu le DGE de l'AGEQTR, donc le directeur général des élections, qui vont commencer avec l'affichage, en fait, pour que le monde puisse remettre leur candidature en février prochain. Mm-hmm. C'est qu'il y a une chroniqueuse, en plus, qui est de ces fous, je crois, les lundis, si je me... Non, c'est les mardis, je crois, c'est Alassania Couillé. Ah! Oui! C'est les lundis, en fait. Ouais, lundi. Ouais, lundi, OK. Cool, tant mieux. Excellent. Ben, c'est ça, justement, elle va occuper le poste, en fait, de s'assurer que tout se déroule bien pour les prochaines élections, puis s'assurer qu'on a un conseil exécutif qui respecte les différentes normes de la politique électorale de l'AGEQTR lors des élections 2017. Toujours plus sur les épaules de la Sania. Oh oui, ah ouais, elle très en fait impliqué. Des choses. Effectivement, ouais, oui, très très très impliqué. Sinon, en fait, il y avait le dernier point à l'ordre du jour qui était assistant de gérance de la Chaise-Galerie. En fait, on a constaté la démission de l'assistant de gérance et il n'y aura pas de remplacement cette année, en fait, parce que, justement, il y aurait, oui, un besoin, sauf que la gérance est débordée de la Chaise-Galerie, donc il n'y aura pas le temps pour la programmation, donc on a décidé de... C'était qui était à la c'était à Marie-Ève quelque chose? C'est quoi son nom? C'était Andréane. Andréane, en ce moment. Okay. Oui. C'est pas mal ça pour le site de l'AGEQTR. Sinon, il y a... ça, je l'ai mentionné. On avait parlé de Movember. Tantôt, on avait abordé le sujet, mais sans trop l'exploiter. Qu'est-ce qui se passe avec Movember? Movember, en fait, c'est ça. Il y a 25 personnes qui ont remis leur candidature, puis ils vont avoir la stache cette année pour gagner des points pour la Coupe des Assos. Génial. Oui. Et ensuite, il y avait ta recette préférée. Le 7 novembre prochain, les associations étudiantes seront amenées à faire déguster leur recette préférée, la meilleure recette de leur asso, au 10-33 pavé, en fait, à la vice-présidente de l'association culturelle, Sol l'ananange, la pierre. Sol l'ananange! Fallait être là pour l'impression. Elle aime les ananas. Sol l'ananange. Ainsi que la vice-présidence associative et à l'environnement, Michael Saint-Pierre. Donc, ils vont déguster plein de bonnes affaires, ils sont chanceux. Ouais, vraiment. Je vais rajouter ça à mon plan d'action si je refais un deuxième mandat. Bon. après ça, il y a les portes ouvertes de l'UQTR qui vont se dérouler en fin de semaine, en particulier samedi, en fait. Ouais. Non, pas du tout dimanche, c'est surtout samedi. Oui, exactement. Puis, en fait, l'UQTR va être là pour essayer de convaincre les étudiants du cégep ou, c'est surtout du cégep, en fait, qui sont impliqués et de venir s'impliquer avec nous autres l'année prochaine. Donc, aussi, en fait, de venir à l'université parce que c'est tellement une belle université, l'UQTR. Puis, beaucoup de plaisir. Bref, c'est ça. Fait que, venez en grand. De la bière pas chère. Oui, effectivement. D'ailleurs, je vais être à la Chaise-Galerie toute la journée, tu sais, pour en parler. Fait que, c'est ça. Bref, les portes ouvertes en fin de semaine, on va avoir beaucoup de plaisir. Sinon, le 9 novembre prochain, 5 à 7 du premier cycle. Donc, tous les étudiants du premier cycle sont invités à rentrer à la Chaise-Galerie. On espère que ça va être plein parce qu'il y a quand même... je pense qu'on a fait le décompte hier. On a demandé des données au registrariat. Je pense qu'il y a à peu près 8500 étudiants au premier cycle, si c'est pas plus. Fait que, si jamais ils viennent toutes, ça rentrera pas dans la Chaise-Galerie. Mais bon, il y a la pizza et la bière gratuite, donc ça se pourrait que ce soit assez jump-pack. Bon. Fait que c'est pas mal ça, moi. J'ai fait le tour de ce qui se passe à l'AGEQTR présentement. Cool! C'est une bonne chronique remplie de vraiment beaucoup de choses. On espère que ça va être comme ça pour le reste de la session. Il nous en reste quand même pas mal de chroniques d'ici la fin. Et toujours plus de choses à savoir sur l'AGE. Ok, oui. Les gens se demandent, tu sais. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Mais je vais te répondre. Arrête de le demander. Hein? Écoute. Bon. Alex Marchand, on te retrouve la semaine prochaine pour l'autre chronique, les jeudis matins à 8h. Et on te retrouve aussi les lundis soirs à 20h à la Chaise-Galerie pour l'image de la huître. Oui. Ça va être la fin. Oui. T'as joué la semaine passée, tu joues pas la prochaine. Non. Je pense qu'on staff, par exemple. Staffé? Ouais. Ça veut dire que tu vas peut-être nous amener le pichet de bière pour le concours. Oui. Placer les chaises. Oui, avoir ça plein de plaisir. Vous allez voir votre président de la GE travailler bien fort. Ok, oui. En direct devant vous. Merci. Exactement. Alex. Merci. Au retour de la pause, une petite demi-heure spéciale. On va se faire un bloc musical avec Lydia Kepinski en entrevue. On va parler aussi des soirées cachées, c'est fou. On va vous dévoiler le band qui va être en spectacle ce soir à la Chasse Galerie. Oh my God! Et après ça, on va repousser un petit peu une grosse pointe tendresse vers la fin de l'émission. Donc ça s'en vient et on revient dans deux minutes après cette pièce de Ripé. Voici Manque de respect à Assemblage Rocky. Assemblage Rocky, on se met jeudi, pardon, 3 novembre 2016. Oui, jeudi, déjà la dernière émission de la semaine. Eh ben ouais. Ouais, elle est Thélia Baudin. Et Mathieu Plante. Dans quelques instants, on va recevoir en entrevue spéciale. En tout cas, si tout va bien, on devrait parler avec Lydia Kepinski, qui va être en première partie de Groenland ce soir au Satire. Oui, c'est vrai. On a plein de questions à lui poser. Mais avant d'entendre une chanson de Lydia Kepinski qui va jouer tantôt, la pièce Apprendre à mentir, on va entendre l'Info Campus. Oh. Ça va, ça? Très bonne idée. Tout de suite. Voici maintenant l'Info Campus, présenté par le journal Zone Campus. Le service d'orientation de l'UQTR invite les étudiants à prendre part aux activités lors de la Semaine québécoise de l'orientation du 6 au 12 novembre prochain. Parmi les activités, la chronique Radio C'est fou le 7 novembre à partir de 7h30, le kiosque d'information mercredi 9 novembre dès 10h au corridor du service aux étudiants et la conférence jeudi 10 novembre à 12h30 au local 3603 du pavillon de la chiropratique. Également, un concours est organisé sur la page Facebook du service aux étudiants. Vous courez la chance de gagner 250$. L'UQTR organise sa journée porte ouverte le 5 novembre 2016 entre 11h et 16h. Des kiosques et conférences sont au programme. Il est également possible de visiter le campus, les résidences, le centre de l'activité physique et sportive, les laboratoires et bien plus encore.

Lydia Kepinski, la pièce Apprendre à mentir à Assemblage Requis. Justement, Colin, quel hasard total qu'on l'a en onde avec nous, Lydia Kepinski. Ah, mais non. Ah, je jure. T'es sérieux? Bonjour, Lydia. Surprise. Bonjour. Ah, ça va, on avait fermé les lumières toutes pour pouvoir surprendre tout le monde. Exactement. Comme un party. Donc, Lydia, pour commencer, ben, la raison qu'on te parle aujourd'hui, c'est parce que tu as un spectacle ce soir avec Groenland au Satyre à Trois-Rivières. Oui, c'est vrai. C'est exact. Hein? Et là, on a une confusion, nous, parmi nous en studio. On se demande, l'événement dit que c'était à 23h15. Est-ce que c'est vrai? À 23h15? Oui, c'est marqué ça sur la page de l'événement. Je ne comprends pas. Non, hein, c'est ça. Je pense que je suis supposée chanter à 8h. Oh. Bon, ben, bon, c'est dit. On va y aller avec ton heure. Je pense que c'est mieux. Mais je ne sais pas. Peut-être, mais il me semble que c'est ça. Parce que c'est mon affaire d'habitude. Bah, je d'habitude, sais. J'ai des bonnes informations. T'as l'air tight. Il faudrait peut-être communiquer avec la salle. On va se renseigner pendant la chanson tantôt. Donc, Lydia Kepinski, pour commencer, la question que tout le monde se demande, la question stupide là, pour éliminer ça tout de suite de notre système, le Kepinski. Oui, c'est mon vrai nom. Est-ce que c'est russe? C'est ce que je voulais savoir. Ah, c'est polonais. Polonais, tu vois. Polonais. Polonais. Ouais, on y est pas avec ça. T'as une façon assez originale de décrire dans ta biographie. Tania nous l'a lu en ondes récemment que tu fais la chanson française pop quand tu t'amuses, progressif quand t'as des sautes d'humeur, jazz quand tu te forces et rap quand tu bois. Est-ce que c'est comme ça que tu te décris dans tes vrais termes, mettons live comme ça le matin à 8h30? Est-ce que c'est comme ça que tu te décrirais pour vrai? Non, mais c'est une description que j'ai écrite il y a quand même un certain temps. Puis là, tu vois, si je sors un EP, puis je sais déjà que ça s'oriente plus vers... Tu sais, mettons, je pourrais en couper une coupe, là. Tu sais, mettons, jazz, putain, rap, putain. Fait que je garderais pop. OK. Puis, puis je rajouterais le mot épique. Oh! Épique. Qu'est-ce que tu décris? Tu donnes de la pop épique. Il n'y a pas de chevaux là-dedans, hein? C'est pas de la musique à cheval. Non, pas ça, c'est épique, excuse-moi. Pas épique. On est à Trois-Rivières, quand même des courses de chevaux à Trois-Rivières. Ah, oh, ben oui, c'est ça, exactement. Ça arrête pas de la musique épique. Ben, je te jure. Oui. Il y a des gens qui y vont, même, apparemment. Ben oui, c'est vrai. Ils m'ont brisé là-dessus. Donc, tu rajouterais épique, OK? Ouais. Ben, c'est ça, mais dans le fond, c'est de la chanson, là. C'est de la pop, c'est juste que épique. Ben oui, puis il faut que tu mettes des mots dessus si tu veux que les gens l'écoutent aussi. C'est pas pour juste dire c'est de la musique sur ta biographie. Oui. Ben, c'est ça. C'est de la musique. Ouais. C'est de la chanson. Ben, c'est de la chanson même que c'est de la chanson à texte, parce qu'on vient d'entendre Apprendre à mentir, où tu dis des choses qu'on sait pas trop ce qu'il veut dire, mais c'est parfait comme ça. Tu vas retrouver l'amour, c'est sûr, mais l'amour est mort dans un coffre de voiture. On veut pas savoir l'histoire personnelle derrière ça. On s'entend qu'il y en a sûrement une. Mais qu'est-ce que tu veux passer comme message dans ta musique quand t'écris tes textes? Ben, c'est ça. C'est pour moi, une chanson à texte, c'est un peu un pléonasme, parce que faire de la chanson. Évidemment, c'est mettre des textes dessus. Sinon, c'est de la musique. Ouais, c'est sûr. Ben, tu sais, parce que moi, pour moi, la musique est un vecteur pour le texte. Mais tu sais, ça, c'est ma vision de la chose, là. Mm-hmm. Mais évidemment, je pense pas que je ferais de la musique si j'avais pas des textes à dire. Mettons? Ouais. OK. C'est ça. C'est tes histoires de ta vie. C'est ça, fait que pour moi, c'est important. Ben, c'est l'histoire de ma vie, oui, puis non, là, tu sais, je veux dire, dans le sens, comme tout est romancé dans la vie, là. Mm-hmm. Puis c'est une vision romancée de choses que je peux entrevoir. C'est pas nécessairement ma vie, là. Il y a personne dans mon enfance qui est mort dans un coffre de char, là, c'est à part Pierre Laforce. On est content. Ça a été dit. Ça a été, oui. C'est subtil quand même. J'aurais pu passer inaperçu, mais finalement. Donc, qu'est-ce qui t'inspire si tu dis que c'est pas tout le temps des choses que tu as vécues? Est-ce que tu t'inspires de films, de d'autres artistes musicaux, de livres? Qu'est-ce qui te donne envie d'écrire? Ben, je pense que c'est juste un besoin que j'ai de dire des choses. D'extérioriser. C'est une espèce de maladie que j'ai pognée, là, je sais pas si ça vient d'où, là, c'est juste, j'ai quand je vois des choses, j'ai envie de les mettre dans le cordeur puis d'y ressortir d'un autre contexte. Faire de la saucisse musicale, comme on dit. T'es comme un Oktoberfest pour les oreilles. Oui, c'est une super bonne analogie, c'est exactement ça. Je suis là pour ça. Donc, tu joues en première partie de Groenland ce soir à une heure qui, j'imagine, en début de soirée, à une heure normale pour un spectacle. Comment ça a commencé votre relation entre Groenland et toi? Quel genre de relation est-ce que vous avez? J'imagine que c'est une relation consentante parce que là, le viol, c'est bien avant. J'imagine. Oui, non, ben, c'est super consentant. Ben, honnêtement, on n'a pas tant de relations, c'est plate, hein? Ben, c'est comme... moi, je me suis fait inviter, puis ça me fait vraiment plaisir d'y aller. Ben, mais c'est, on était pas comme chaud dans un bar, puis on était comme, ah shit, faut qu'on fasse des shows ensemble. Ouais, c'est ça. Ça a été une belle histoire à raconter. Hein? Ça a été une belle histoire à raconter dans une future chanson. Oui, c'est ça. Ça a été super le fun à raconter, mais honnêtement, c'est comme c'est des collègues, là. Ouais. Ben, est-ce que tu es proche de d'autres artistes? Est-ce qu'il y a des noms qu'on connaît dans la musique indie québécoise que tu es vraiment tight avec eux autres? Ah, avec qui je suis tight? Ben, j'ai tout le temps, dans les dernières années, j'étais quand même tight avec les Caltars Bateau, Mathieu Bérubé, puis Laurence Anne, plein de gens, sérieux. Et c'est ce que tu écoutes aussi, à part ceux avec qui tu es proche physiquement et autres? Est-ce que tu écoutes d'autres artistes que tu es moins proche d'eux, mais que tu les aimes, que tu les apprécies de loin, disons? Oui, il y en a plusieurs, mais moi j'aime les vieilles affaires. Je suis pas. J'écoute, tu sais, comme par exemple le dernier album de Claude Pelgag, moi, oui. Je le trouve vraiment bon. Okay. Puis Violette Pie aussi, j'aime ça. Ça tombe bien, ils sont ensemble. Potin, hein? Ça va pas ça. puis c'est pas mal ça. Tu sais, moi, il y a plein de choses que j'aime, mais j'écoute plus des vieilles affaires, mettons, que des nouvelles. Tant mieux, c'est cool. Lydia, récemment, dans une entrevue, t'as dit que pour toi, l'ambition, c'est comme une lignée d'objectifs. Puis du moment que t'atteins cet objectif-là, ça s'oublie puis ça devient un peu plate. Mmh. As-tu trouvé que t'as atteint ton objectif? Lequel? Ben, je sais pas. Dis-moi, c'est quoi ton objectif? Ben là, non, c'est sûr, j'aurais jamais atteint mon objectif. Donc, tu sais, ce serait plus un objectif si je l'avais atteint. Dans le fond, c'est ça que ça veut dire. Dans le fond, l'ambition, ben, c'est ce que je disais dans l'émission à Vrac TV, là, c'est que dès que tu atteins un objectif, c'est un petit peu comme s'il n'y avait jamais existé. C'est dans le sens, c'est quelque chose qui peut m'obséder pendant longtemps. Mm-hmm. Je vais être comme, oh my god, ce serait tellement cool faire ça, ça serait. Puis finalement, une fois que je le fais après ça, je l'oublie, puis je passe à un autre appel. Mm-hmm. C'est un peu ça la vie. Les gens n'avaient pas compris que, dans le fond, ta réponse à l'objectif, c'est que tu veux tout le temps attacher un nouvel objectif pour ton appareil photo. C'est ça l'affaire. C'est ça. T'as c'est le Canon, le film, c'est une autre marque, c'est ça. C'est ça. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas. C'est ça. C'est question de gear. Donc, spectacle ce soir, pour le rappeler, au Satyre. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre ce soir? Est-ce que vous allez déguiser pour l'Halloween? Est-ce que tu vas déguiser en Groenland puis Groenland en Lydia Kepinski? Ce serait drôle. mais c'est fini l'Halloween. C'était lundi l'Halloween. Non, mais les gens, ils fêtent ça encore. On est juste le 3, là. Ouais, il y a beaucoup de parties, là. Ouais, ça boit, puis... ouais. OK, ben, je vais me déguiser... Je vais me déguiser en Kurt Cobain. Oh! Kirim, OK, ça te prend par surprise. Ouais, c'est ça. T'aimes le vieux stock, c'est vrai. donc, je pense que... Ben, arriver tôt, hein, parce que là, on sait pas, mais dans le doute, moi, je devrais arriver plus tôt que tard. C'est parce ça. Parce que tard, vous l'aurez manqué. Puis la place est ouverte de toute façon, tôt, fait que manger, buvez, attendez que le spectacle commence, puis un jour, ça commence là. La soirée est faite, voilà. Pas besoin de chercher ailleurs, il n'y aura pas besoin de changer de place entre-temps. On va t'offrir de se quitter avec n'importe quelle chanson de toi, donc sans restriction sur la longueur, sur le style, sur les paroles, tu peux vraiment choisir n'importe quelle pièce et j'aimerais que tu nous expliques pourquoi tu l'as choisie et qu'est-ce qu'elle représente pour toi. Considérant qu'on a entendu « Apprendre à mentir » juste avant l'entrevue. Tout à fait. OK. Ben, je ne sais pas c'est lesquelles d'autres que vous avez parce que là, il n'y en a pas beaucoup. Là. Ben non, mais là, il n'y en a pas beaucoup, mais à chercher, moi, là. Je suis débrouillard. On va trouver ça. C'est ça, on va trouver ça, j'espère. OK. Fait que là, je peux dire n'importe quelle chanson que je veux écouter? Ben, j'espère, oui, qu'on va être capable de la trouver. OK. Avez-vous du vieux France Gall? Du vieux France Gall, je suis sûr que j'ai ça quelque part, oui. Quelle pièce, mettons? Ouais. Je sais pas. Pense à moi. Avez-vous ça, Pense à moi de France Gall? J'ai ça juste ici. Je sais pourquoi est-ce que tu veux entendre cette chanson-là? Ah, parce que j'adore cette chanson. C'est un peu comme un remix de Take Five, là, une espèce de vieux le vieux standard jazz, là, sauf que c'est en français, puis France Gall, je l'adore, j'adore ces tunes. Génial. Bon, on va entendre ça et on te remercie. On te retrouve ce soir en soirée. Oui, exactement. Avec Kurt Cobain. Oui, évidemment. Évidemment, on a hâte de voir ça. Merci beaucoup, Lydia. Cool, j'ai hâte. Merci. Bye-bye. Bonne journée. Salut. Bye. Lydia Kepinski. C'était là.

Groenland, les Distractions. Votre choix va être difficile ce soir parce que le spectacle de Groenland et Lydia Kepinski, c'est au Satyre ce soir à 20h. Et en même temps, genre, mais je pense que c'est plus tard en soirée d'habitude. Les soirées cachées, c'est à 21h30 ce soir. Vous n'allez pas pouvoir écouter les deux complets, mais vous pourriez visiter les deux. Oui, c'est quelque chose de possible. Donc, soirée cachée ce soir avec Lakes of Canada, c'est révélé maintenant. On vient de le dire pour la première fois. Donc, ça a lieu ce soir à 21h30 à la Chasse Garry. C'est toujours gratuit. Ça fait partie du circuit des activités, là. Oui, ben oui. C'est là. Ouais, ça, là. C'est là l'affaire. Le circuit des activités de l'UQTR. Oui, c'est ça, genre. On leur dira tantôt si on n'a pas cherché sur ce mot-là. Exactement. Donc, la soirée cachée qui a lieu à 21h30 avec une bourse de 300$ tirée parmi les étudiants qui vont avoir fait scanner leur carte au kiosque du bureau des diplômés. C'est ça, c'est le circuit des diplômés que je cherchais. Qui vont être restés jusqu'à la fin du spectacle. Donc, c'est une condition pour réussir à gagner peut-être le potentiel 300$. On va donc un petit peu parler de Lakes of Canada parce qu'on n'a jamais fait jouer ça. Assez ouais, fou. C'est vrai. Jamais du tout. Un groupe qui date de 2011. C'est là qu'ils ont été fondés. Montréalais. Un groupe de 5 personnes. Oui. De rock progressif. Mm-hmm. Avec du gospel, des harmonies vocales. Jake Smith à la voix principale, guitare et percussion. Sarah Morras à la voix, clavier et orgue. Connor O'Neill à la batterie, voix et synthétiseur. Tim Dobby à la guitare et la percussion. Et Caroline Cameron à la voix, la guitare, la basse et la percussion. Ils ont été votés Best Local Folk Act deux fois. Et numéro 10 aussi au Best Local Act in Cult Montreal's Best of Montreal 2014. Ouh, selon leurs lecteurs. OK, en oui. Plus. Ils ont sorti leur deuxième album, Transgressions, inspiré par le roman dystopique de Margaret Atwood, The Handmaid's Tale, le 16 octobre 2015, suivi par une tournée partout dans l'est du Canada. Transgressions, qui a été produit par Jace Lessec, qu'on connaît pour The Best Nerd Lakes, Arcade Fire, Patrick Watson et Young Galaxy, au Break Glass Studio de Montréal. Ils sont présentement en train de tester leur troisième album studio qui devrait être enregistré au printemps prochain. Il n'y a pas de date sur leur à propos, donc j'imagine que c'est printemps 2017. Probablement. J'en ai aucune idée. Leur premier album, Toll the Bell, date de 2012. Ils ont performé un petit peu partout au Canada. Ils ont aussi fait plusieurs festivals, entre autres Pop Montréal, Canadian Music Week, Festival Folk sur la canale, M for Montreal, NXNE, et en 2012, ils ont gagné meilleure band au Saint-Ambroise Montreal Fringe Festival. Donc, c'était un festival de bière, pour ceux qui connaissent ça. Et ils sont présentement en nomination pour Best Traditional Roots Album. Donc, meilleur album traditionnel, racine d'ici, au GAMIC 2016. Mm-hmm. Parmi leurs influences, des trucs que vous pourriez vraiment aimer, entre autres Half Moon Run, qui était au show de la rentrée. Donc, oui. Ça continue dans cette lignée-là. Un groupe que moi j'adore qui est sur le palmarès anglophone, Royal Canoe, les Beach Boys que j'adore aussi. Oui. D'autres trucs que je connais un petit peu moins, CSNY, Luscious et Dry the River et oh attention, Mumford and Sons. Ça dit que ça sonne comme du Half Moon Run avec un petit peu au goût là, tu sais, genre salé poivré de gospel et une pincée de Royal Canoe. C'est merveilleux. Génial. Donc, en tout cas, moi, ça me donne envie. J'aime vraiment leur description. Si c'est comme ça, ça devrait me plaire beaucoup. Et peut-être toi aussi, Tania. Oh oui. Donc, allons entendre une pièce de leur part. C'est Transgressions. C'est la pièce titre de leur album Transgressions. Donc, voici Lakes of Canada tout de suite en spectacle ce soir à la Chasse Galerie. Et c'est gratuit à 21h30. Juste. Vous êtes à Assemblage Rock. Oh,

C'est un quart de livre et non pas une boulette normale de Big Mac. La grosse boulette là, de quart de livre. Le dessus contient du bacon, de la sauce barbecue épicée et des oignons frits croustillants. Le burger est aussi différent du Big Mac parce que le pain n'a pas de grains de sésame. Le prix est $4.71 américain, aussi disponible en combo pour $7.60. David se verse un autre gingembre. Il va mourir. Comment? Tu vas mourir. C'est une trop grosse quantité de gingembre. Bref, le Texas Burger, c'est plus ou moins un Western Barbecue Big Mac qui a été lancé le 5 octobre au Japon, qui va être disponible jusqu'au début du mois de novembre ou jusqu'à la fin des stocks. C'est pas la première fois qu'ils offrent un Big Mac avec une seule boulette. Ils ont aussi fait un hamburger avec des patates pilées à la place d'avoir une deuxième boulette par le passé au Japon. Ils ont aussi lancé une version avec plus de viande du Big Mac au Japon qui s'appelle le Giga Mac. Toujours chez McDonald's, au Royaume-Uni, on sert du fromage nacho couvert de croustilles tortilla. Un peu comme on fait ici chez Harvey's en ce moment, les petites cotes de fromage fondues avec du tortilla autour. Donc c'est un peu la même chose, une twist sur les jalapeno cheese bite poppers. Donc une croûte de tortilla, ça s'appelle les spicy nacho cheese wedges. Ça vient en emballage de 4 par commande. Chacun vient avec des tranches de jalapeno et du fromage nacho à l'intérieur d'une coquille de farine, de miettes de pain et de tortilla. Ça inclut une petite sauce à la crème sûre et aux échalotes pour tremper. C'est vraiment beau et j'imagine pour calmer un petit peu la chaleur du fromage nacho, c'est des jalapeno. Dernière nouvelle de McDonald's, c'est là-dessus qu'on va terminer le bloc, étant donné qu'on n'a plus de nouvelles de McDonald's après ça. Ça va être une bonne opportunité d'arrêter. C'est McDonald's, les employés qui révèle la vérité par rapport au déjeuner qui est servi toute la journée. Ça a apparemment sauvé la compagnie. Apparemment. On dit essentiellement ça a sauvé la compagnie. Évidemment, plusieurs personnes qui ont été sauvées de leur lendemain de veille pour aller chercher un McCrêpe. Mais servir des McGriddles, donc des McCrêpes et des patates, est-ce que c'est vraiment bon pour tout le monde? Pas vraiment. On dit que les employés de McDonald's sont allés sur Reddit pour expliquer pourquoi avoir le droit de manger des œufs et du fromage dans l'après-midi pourrait ne pas être une bonne idée. Pourquoi? Donc, en septembre 2016, ça dit... que le déjeuner n'est pas toujours aussi frais que vous le croyez. Donc la nourriture de déjeuner chez McDonald's, c'est encore un avant-goût de Génial Liberté. Ça, c'est toi, tu te fais un déjeuner chez vous, c'est frais. C'est là. Pas la même chose, c'est ça. Donc un déjeuner chez McDonald's qui est en rotation lorsque le dîner arrive et va peut-être devoir donc ça prend du temps et c'est vraiment pas pratique pour la cuisine de devoir faire d'un bar à l'autre. Donc pendant que la plupart des gens commandent des McCroquettes ou des filets de poisson, t'es en train de défaire un peu le rythme de l'après-midi. Et peut-être que ça va même rendre des gens marabouts, les employés de chez McDonald's. On dit que tu dois faire des œufs et des muffins pour chaque œuf McMuffin, ce qui n'est pas un problème pendant le déjeuner parce que c'est pas mal tout ce que tu fais, mais pendant le dîner, c'est un petit peu plus difficile alors qu'il faut que tu le fasses entre les autres commandes. Pour l'instant, ça dit que les muffins vont être température tablette, les œufs vont avoir été là depuis peut-être 30 minutes, les saucisses vont être là pendant 15 minutes jusqu'à 3 heures, les patates grillées vont rester congelées pour être plus pratiques à faire. Même chose pour les crêpes qui vont être réfrigérées et mises au micro-ondes. Donc ça va ressembler vraiment énormément au déjeuner tout inclus à la cafétéria Sodexo. C'est-à-dire tout passe au micro-ondes pour 10$, ça goûte moyen. Ça, en fait. Ça va être la technique du micro-ondes qui va s'en venir d'après cet article sur Mike.com. Allez voir le reste des détails sur assemblagerequis.com parce qu'on n'a pas le temps d'en parler plus longtemps que ça, mais c'est intéressant d'en parler. Parce que Génie en liberté s'en vient. Oui, Génie en liberté s'en vient à partir de 9h30 jusqu'à 11h avec Samuel Girard et Sif. Oui, t'es excité pour Génie en liberté? Oui. T'es un vrai fan? Samuel, un fan. Non, il vient de caler une bouteille de gingembre, là, fait que ça y sort par les narines. Fait que là, il va avoir beaucoup de stimulation dans les oreilles avec les sujets de Génie en liberté et beaucoup de stimulation dans la gorge avec le gingembre. Est-ce que ça veut dire que. Ça veut dire qu'il reste d'autres orifices à remplir si quelqu'un veut déposer un projet d'émission. Wow! Donc, je ne sais pas quoi dire. Réponds rien à ça. Bref, ça ne vaut pas la peine. Merci de ton conseil. Chance que tu es là. On fait une grosse métendresse, c'est les jeudis dans l'émission. Merci David Ferron d'avoir participé à la chronique. Ça fait plaisir. Sérieusement, je ne suis même plus capable de parler. J'ai trop de gingembre dans la bouche. Nous, on termine l'émission rapidement parce que sinon, on va défoncer un petit peu trop. Génie en liberté s'en vient à 9h30. Comme j'ai dit, à 11h, Patriote en action, l'émission de sport avec Marc-Antoine Dumas. Ensuite, à midi, la rediffusion du Mathieu Planchot. À 15h, la rediffusion de la sortie de secours est à votre gauche. À 16h, rediffusion de Radio Sonic. À 18h, rediffusion de l'Homme Trotteur. Qu'est-ce qui se passe? Je suis désolée, j'ai comme à choumer sur ta vie. Et à 19h, on est de retour en direct avec Très Blues, ça c'est fou, animé par Denis Beaulieu. Non, Très Blues, ça c'est fou, et pas en onde ce soir. Je crois que ça va être une rediffusion. OK, fait que là, genre, il y a une rediffusion de David, une rediffusion de toi, puis une rediffusion de Denis, et dans la même semaine, les trois sont pas là. Ouais, ben, il est pas en ville. C'est fou, c'est pour la programmation complète, assemblagerequis.com pour les notes de l'émission et les balado-diffusions. On se quitte avec. Je vais essayer de prendre, genre, la, dans les palmarès, mettons, la pièce la plus courte. Est-ce qu'on a ça? Mettons, la palmarès anglophone, mettons. Je ne pourrais te dire. Mettons que je classe ça par genre de poids, là, pour le fun. Tu sais, je vais perdre autant de temps à chercher ça que ça aurait pris pour juste jouer une toune normale. Là. Exact. Ça va être bien le fun. Tu fais perdre du temps à tout le monde. Je sais. On s'en va entendre, Bear Mountain et Hopeful. 3 minutes 17, c'est quand même pas si pire. Et on se retrouve lundi matin à 6h30. Bonne fin de semaine. Et oubliez pas, ce soir, Satire avec Groenland et Lydia Kepinski et à la Chaise Galerie, le spectacle de Lakes of Canada. Voilà. Allez-y. Bye, bon Bye. Café. We'll be right back.